Bonsoir à tous et bienvenue au premier épisode de la saison de l'aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le Niowentio, territoire non cédé, aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console et à la co-animation. Bonsoir Mathilde. Bonsoir ma chère Christelle. Quel beau retour. Oui, quel beau début d'émission. Oui, je suis vraiment heureuse de te retrouver en studio, de retrouver les ondes, les personnes qui sont à l'écoute, soit en direct ou soit à partir de chez eux sur la balado-diffusion. On peut toujours nous écouter en reprise à partir de toutes vos plateformes préférées. Sinon, vous pouvez vous rejoindre à tous les mardis à 18h pour l'émission. Ce soir, on part en grand, en fait. On a eu extrêmement de plaisir à amorcer la nouvelle saison avec plusieurs nouveautés. On a eu une semaine très chargée la semaine dernière en raison de la rentrée culturelle. Toutes les centres d'artistes ont verni des nouvelles expositions, ont fait l'annonce de leur programmation. Il y a des festivals qui démarrent, donc c'est vraiment l'effervescence de la rentrée. Et on a vu beaucoup de choses. On a eu le plaisir, en fait, de découvrir beaucoup, beaucoup de programmation puis d'activités de prévues. Et c'est de ça dont on parle ce soir. C'est exact. On a eu vraiment une rentrée chargée, puis ça continue encore. Fait qu'on va commencer avec une nouvelle chronique de notre nouvelle chroniqueuse, Phil Després, qui se joint à nous pour donner ses impressions, justement, de la grande rentrée culturelle à la Coop Méduse. Ensuite, on va rejoindre en vidéoconférence Steven Gérard, qui est directeur artistique du lieu et qui vient de nous décortiquer la programmation du RIAP, Rencontre internationale de l'art performance, qui va commencer cette semaine. Oui, cette semaine au lieu. Mm-hmm. Et ensuite, on va rejoindre Madeleine Maillot, qui, par visioconférence depuis chez elle, vient discuter avec Christelle de son exposition Vex Viscéral, qui est en montre au Centre Materia. Mm-hmm. Et on va finir avec une petite surprise. Est-ce que je peux le dire? Oui! OK, good! On rencontre Rémi Béliveau, qui nous rejoint en fait en toute fin d'émission pour plugger son film L'An premier live au Beau Bassin, c'est ça? Oui, oui, oui, 1970. C'est ça! qui sera projeté au Parc Dioui ce vendredi le 13 septembre à 19h dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Oui, on va terminer l'émission en beauté avec Rémi. Pour la sélection audio de ce soir, Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL, nous propose de découvrir le groupe Deli Deli, originaire de Marseille en France. Bouzouki électrique puissant et son distinctif de l'orgue Farsifa, Deli Deli a façonné son style en fouillant dans la fin des années 60 et le début des années 70 les singles Tifetili Laiko. Les quatre musiciens se sont rencontrés en 2019 avec une ardente envie de plonger dans des sensations électriques. On écoute le premier extrait de leur album, Tifiliti Club, qui commence avec le titre Boupam. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, premier épisode de la saison. Mon nom est Christelle Tremblay. J'anime cette émission en co-animation avec Mathilde Harvey-Morin dans les studios de CKRL à Québec, dans Limoilou. Et on est en compagnie de notre nouvelle recrue, une nouvelle chroniqueuse, Phil Després. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Mathilde. Très heureuse que tu te joignes à nous pour cette folle saison de l'aérospatiale. J'ai l'impression qu'on démarre sur les chapeaux de roue avec toi parce que tu te lances avec un billet, c'est presque inédit sur les ondes de cette émission, un billet très personnalisé d'une observatrice de la scène culturelle, disons. Oui, puis ce soir, j'incarne l'enfant fictive potentiel de Nathalie Petrovski et Catherine Etier. Donc, c'est vraiment un essai que je fais ce soir. Et ça passe ou ça... Ça casse. Poliment, on va dire non, ça non. Casse, oui. Mais oui, Christelle, on a eu une entrée culturelle chargée, oui. Surchargée. Oui. Vendredi dernier, si on voulait boire du vino et voir de l'art, on avait du choix pour tous les goûts et les envies. Entre tous les centres d'art de Méduse, ainsi que Materia, la Charpente des Fauves, la galerie Chiguer, c'est encore mieux. On était vraiment capable de se vider la batterie sociale en un clin d'œil et de voir des propositions à fond la caisse. Bon. Ben, voir des propositions, faut le dire vite, à travers tout ce beau monde-là. Oui, c'est ça, c'est difficile et je vais en parler. Okay. Parce que Christelle qui dit rentrée culturelle dit rentrée. Puis quand c'est la rentrée, c'est l'arrivée de nouvelles faunes hétéroclites d'individus qui viennent de contrées lointaines. du ben beau monde d'un vernissage à qui jaser, papoter, faire du PR et à qui raconter des anecdotes puis des histoires un peu lourdes que personne connaît encore parce que des fois on les répète souvent dans les vernissages. Donc oui, Christelle, il y avait des beaux artistes d'ailleurs et évidemment la présence de figures importantes du milieu de l'art de Québec. Bon, en parlant de figures, il y avait cependant d'autres figures qu'on pensait disparues avec la vague du MeToo et qui réapparaissent spontanément d'entre les morts et qui sortent de prison pour venir siroter du vino lors des vernissages. Tout est possible au vernissage, tout peut arriver. Oui, ça donne froid dans le dos, mais on se croirait parfois dans un vrai téléroman. Mais que veux-tu, c'est Québec. Il y a des rebondissements. Oui, on aime ça. Bon, OK. Tu comprends que j'ai retenu de ma soirée que le beau monde et que l'art qui m'a fait... Vibrer, qui m'a renversé, rien de moins. Alors, j'ai commencé comme entrée à l'exposition marginale à la Charpente des Fauves. Bon choix. Bon, OK. L'éléphant dans la pièce, pour l'exposition, c'est quand même le nom, marginal. J'avoue que quand je pense à marginal, je pense à un groupe BDSM qui pratique la suspension dans des lieux désaffectés ou des punks à Berlin ou moi à 25 ans. Bon, mais là, l'exposition marginale, ça, c'est pas tout à fait ça. C'est, on parle de la marge, la marge du bord du livre, la marge où il n'y a pas de mots. C'est moins la marge sociale, l'expression de la marge par le vestiaire ou par les choix culturels ou les exact. Choix de vie. C'est la marginalité par le fait de valoriser le livre d'artiste, car il est en disparition, en voie d'extinction. Et là, on a une exposition d'Alès de Beaux-Empires qui nous font une exposition sur le livre d'art, mais cet automne sur le zine aussi, des sorties de livres, des lancements de livres et en tout cas, Sévia, qu'on aime bien à Québec, a ses données pour l'exposition. Alors, j'ai vraiment adoré mon expérience à la Charpente, qui ont refait un petit coup de réno. Alors, l'expérience du livre, c'était vraiment à la fois le manipuler avec les pinces, le manipuler avec les gants. Parfois, on pouvait demander d'avoir une impression en collaboration avec le lieu, pouvoir partir. Le pieu. Oui. Le Pieux, qui est un centre d'impression autogéré, alternatif, accessible à la communauté. On les adore, le Pieux. Oui. Ils sont installés au premier étage, la Charpente des Fauves, puis je pense qu'ils ont été un collaborateur de tout instant là, pour le Festival Marginal. Ça oui. s'est fait en grande proximité. Clairement essentiel, et on pouvait y trouver des exemplaires abordables et uniques de livres d'art qui étaient dans l'exposition. Donc, bon. Mon coup de cœur, pour ne pas la nommer, Frédéric Laliberté, qui nous propose un livre-objet poétique qui se transforme en belle maison, clé en main, avec des murs de Jeep Rock, le plancher de bois franc, puis les cadres intégrés, madame. Fait que, belle expérience. À voir, hein? Oui. Ben, Sévia Pellissier, la commissaire de Marginal, avait aussi commissarié Frédéric, le travail de Frédéric Laliberté dans son expo réactive à la saison dernière à la maison Amel Barbeau, Amel Bruno. On voit qu'il y a vraiment une connivence de cette pratique-là, puis de ce que Sévia travaille comme thématique dans ses expositions. Donc, c'est le fun de voir que cette récurrence-là, en fait, continue de nourrir des belles rencontres, des belles surprises avec le public. Oui, puis c'était vraiment une belle entrée en matière dans la soirée, parce que c'était vraiment un lieu qu'il fallait prendre le temps de lire, de manipuler, de sentir. Puis c'est sûr que dans les moments de vernissage, c'est un peu dur d'absorber tout ça. Donc j'ai su retourner une deuxième fois, et Sévia est d'un accueil assez complexe et incroyable. Donc j'ai vraiment été accompagnée de façon formidable. Allez-y, l'exposition est jusqu'au 29 septembre. Oui, on a le temps, puis on va en parler la semaine prochaine. On reçoit plein d'artistes de Marginal. Ça y est. Alors, je vous parle de mon deuxième coup de cœur, Camille Rajotte, à la grande salle de l'Œil de Poisson. Bon, ben, je suis assez contente que tu en parles. Oui, bon, moi aussi. Ça fait fureur. Ben là, vraiment, parce que... OK, je commence par ça. J'ai dû me battre avec des enfants pour tenter d'aller sur la dite roue. La roue d'hamster version grandeur nature et un peu plus pittoresque que la roue d'hamster qu'on connaît. Version géante, j'ai dû vraiment barguiner avec les enfants pour pouvoir monter puis rouler mon petit bout, moi aussi. Et j'y suis arrivée. Bon, je pense que les enfants avaient plus de plaisir que moi dans un état transcendantal. Voilà. Bref, j'ai aimé découvrir cet artiste-là et son esprit qui réfléchit sur le quotidien, les gestes répétitifs du quotidien. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pas vues qui étaient là, dont un labyrinthe. Et je crois qu'il y a un léger circuit dans la grande galerie qui m'a échappé parce justement j'étais concentrée sur la faune. Quand on arrive dans la grande galerie, on a le choix entre deux alternatives, soit franchir une porte en PVC, le bien ordinaire, ou de prendre le couloir à droite. Et peu importe le choix qu'on fait, on se retrouve à circuler dans un dédale de demi-plancher, marche labyrinthique, avec des murs en gypse blanc, là, tout à fait anonyme. Mais on se sent un petit peu comme une souris de laboratoire, assez rapidement. Oui, alors j'ai hâte d'y retourner et d'en découvrir tous les paramètres. Alors là, pour ma première chronique, parenthèse, j'ai dit à tout le monde que je lançais un concours et que je ferais une carte cadeau de patente et machin. C'est-tu vrai? C'est le moment de l'indice. C'est-tu vrai? Ben oui, je te jure! Alors l'indice, c'est peau de colle. Peau de colle. Écrivez-moi sur Facebook ou Instagram. Eh bien, c'est en référence au pot de colle dans les vernissages. Wink, wink, clin d'œil. Dernier coup de cœur. Dernière expérience, des hauts, des bas, recto verso, studio d'essai. Il annonce une soirée festive avec DJ Peignoir. Bon, on a senti vraiment l'essai de festivité car il manquait plusieurs éléments pour faire lever le party. DJ Peignoir aurait dû enlever son peignoir ou se prendre un psychostimulant pour nous faire kicker le beat jusque dans les intestins. Qui, en passant, les intestins, c'est le deuxième cerveau du corps. Bref. On aurait dit que ces mix étaient une belle promesse, mais les montées sont restées un peu flattes. Alors, moi, je m'attendais à me pitcher par terre, danser et saigner des genoux, fidèle à mon habitude. Mais je me sentais plus dans un espace corporatif à Québec. Bon. Alors, on repassera pour la grosse fête. La grosse soirée de danse n'est pas encore arrivée. La grosse soirée de danse de la rentrée. Oui, mais quand même, j'ai apprécié l'initiative de Recto Verso, le beau travail et la salle qui est magnifique. Ça nous manquait des moments pour danser à Méduse. Alors, ça y est presque. On est sur le chemin du retour. À la rentrée culturelle à l'hiver, je sais que ça va se passer et que je vais saigner des genoux, enfin. Bon, mais j'espère que ton pouvoir de manifestation va se réaliser. Phil, on a quelques secondes pour conclure ta chronique, mais vas-y, serre-nous ta faim. Alors, ma faim, c'est un dessert goûteux et prononcé qui était la Rave Rad Pride, organisée en collaboration avec Brassville et Pink Block QC. En fait, j'ai pas eu accès à la soirée queer et j'aurais vraiment aimé ça danser à fond, saigner, frencher et libérer tous les fluides corporels qu'on peut s'imaginer, mais je suis dans l'attente de la prochaine rave. Et j'ai senti que ça s'est passé, que c'était impératif à Québec et nécessaire, donc ça reviendra, restez à l'affût. Mon Dieu! OK, ben là, tu nous promets, en fait, des super parties à venir. Oui, je manifeste. Merci, Phil, pour ton regard aiguisé sur la scène culturelle de Québec. T'es toujours la bienvenue à notre micro. Tu nous fais signe, on t'accueille, c'est certain. Avec grand plaisir. Merci! On part en pause musicale avec Deli Deli. Retour de la pause, on s'entretient avec Stephen Girard au sujet de la programmation d'Ariap. Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro. Je suis en studio dans les studios de CKRL sur la première avenue, la troisième avenue dans Limoilou. Je suis bien énervée parce que je parle avec Stephen Girard, avec qui je collabore au lieu. On va y aller en toute transparence. J'ai le plaisir de collaborer avec lui et puis il est invité ce soir pour nous parler de la programmation de l'ARIAP. Bonsoir Stephen. Allô. Allô, allô. Alors, tu nous parles depuis Montréal, tu as quitté ton Limoilou habituel pour te déplacer avec des artistes, d'ailleurs, de la Rencontre internationale d'art performance. Vous êtes en tournée? Oui, exact. On lance le premier événement satellite à Montréal, aux ateliers Belleville. dont la connexion est vraiment impeccable parce que c'est là que je suis connecté. Yeah. On va présenter demain soir, en fait, dès 19h, trois artistes de la rencontre. Shannon Cochrane, qui vient de Toronto, Danny Godreau, qui vient de Montréal, ainsi que Sandra Johnston, qui vient d'Irlande. Ouais. Mais ce preview auquel Montréal a droit, c'est vraiment pas pour mettre en reste les gens de Québec, puisque tous ces artistes reviendront et d'autres encore qui vont être présentés en exclusivité à Québec, c'est ça? Oui, exact. Là, ça, c'est juste le premier pan de la RIAP qui se passe à Montréal en co-présentation avec les ateliers Pelleville et Clark. Mais il y a près d'une vingtaine d'artistes qui vont être présentés à Québec au lieu au 345 rue du Pont. Pour les deux prochaines semaines. Exact. Bon, là, avant de tomber dans les dates puis dans les noms, Steven, est-ce que tu voudrais, tu aurais la gentillesse de me parler de c'est quoi la RIAP pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ta première édition en tant que directeur artistique, puis je pense que c'est bien important. Oui, c'est la première édition en tant que directeur artistique au lieu. Donc, j'organise, mais moi, la RIAP, ça a été pendant des années un moment d'importance dans ma vie. C'est là où est-ce que j'ai eu la chance de rencontrer des artistes de renommée internationale dès 2012. À l'époque, c'était encore sous la même formule que cette année, donc danse sur deux semaines, c'est un moment d'effervescence et de rencontre, pas uniquement pour des artistes internationaux ou la communauté de l'art performance spécifique de Québec, mais pour tout le Québec et même, je sais qu'il y a des gens de Moncton, par exemple, qui vont se déplacer pour l'événement. C'est vraiment une grande célébration depuis plusieurs années. Ça existe depuis 1984. Puis, c'est l'occasion, justement, de, surtout après la pandémie, pour cette édition-ci, d'un peu cartographier ou, à tout de moins, se rencontrer de nouveau dans la chair pour créer, justement, un moment pour la discussion, pour la théorie et pour la pratique et pour mettre de l'avant cette discipline qui a survécu à la pandémie, mais sans en être écorché, puisque, faut-il le mentionner, il y a beaucoup de festivals et d'artistes qui ont revu leur pratique, revu leur programmation pour les différents festivals. Donc, c'est quand même, c'est pas une mince chose cette année que ça revienne en force sous une formule danse sur deux semaines. Il y a deux affaires dont j'aimerais qu'on aborde, que j'aimerais qu'on aborde spécifiquement ensemble. Là, c'est soit la thématique que tu as donnée à cette édition-là de la RIAP, puis la sélection des artistes là, qui proviennent de pays, je te dirais, quand tu parles de la liste des pays d'où proviennent les artistes que tu as invités, on voit un choix commissarial, des orientations, la trace de ton parcours aussi. Là. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, en fait, moi, je fais partie de ces artistes qui et de ces organisateurs qui regardent le dossier visuel avec un grain de sel, ce qui fait en sorte que je mets beaucoup de l'avant la rencontre en présentiel pour réellement expérimenter l'art performance des uns et des autres, ce qui fait en sorte que la grosse majorité des artistes qui sont sélectionnés dans cette édition-ci, c'est des artistes que j'ai déjà rencontrés, que j'ai déjà vu leur pratique. Pour moi, c'est une manière de rendre compte d'un réseau international, mais aussi un peu un pied de nez au formulaire classique en art visuel, puisque j'ai je crois sincèrement qu'il y a des conditions dans différents pays qui ne sont pas au même niveau. En fait, on juge ça avec des lunettes très occidentales, ce qui fait en sorte que ça dévalorise certaines pratiques au profit d'autres. Et pourtant, ce sont des artistes hors pair qui devraient aussi avoir la chance de bénéficier des mêmes institutions et des mêmes cadres que nous. Donc, une programmation où On choisit des gens qui sont peut-être des stars de leur performance, mais qui ont été sélectionnés par l'impact qu'ils ont eu sur les personnes qui ont vu leur travail et puis ce que ça a laissé dans, comme mémoire dans le corps, puis une vraie résonance dans, dans la communauté de ceux qui pratiquent puis ceux qui sont des théoriciens aussi de cette discipline-là. Oui, immanquablement, c'est vraiment une contribution que je veux faire à la communauté d'art performance de Québec, de donner l'opportunité à, aux gens de Québec et un peu de partout autour de pouvoir bénéficier de ces, ces artistes d'importance. Puis ça marche. On, moi, j'ai vu de, premier, de première à première... proximité, là, l'impact que la rencontre avec Marilyn Arcel, notamment, que tu as invité dans la sélection, puis que vous avez eu l'intelligence d'inviter pour un peu avant, pour qu'elle puisse partager une classe de maître, un workshop auquel j'ai eu la, l'honneur de participer, puis la, la rencontre de proximité avec des gens qui ont ce genre de stature-là aux yeux de la discipline, puis d'une pratique de longue durée, ça change tout. Ça change tout par rapport à la compréhension, l'amour, puis le désir de faire vivre cette discipline-là. Est-ce que tu veux nous parler de la thématique, le logos, praxis, les mots en latin? C'est quoi ça? Ouais. Ben, en fait, ça vient... C'est pas nécessairement une thématique, c'est plutôt une manière pour soulever quelques points importants de la discipline. Donc, c'est logos, topos et praxis. C'est grosso modo des angles de réflexion que j'ai apporté auprès des artistes sélectionnés pour mettre la table pour les brunchs dominicaux. Donc, chaque dimanche, il va y avoir des conférences, des discussions avec les artistes. C'est une sous-sélection, donc c'est pas la totalité des artistes qui vont se commettre à la discussion, mais somme toute, tout le monde a eu ces questions-là pour tenter de mettre la table et d'assurer une discussion collective sur les territoires de leur performance, ce qu'on en dit, donc le discours de leur performance et aussi la partie vraiment plus axée dans l'action, donc la praxis, la pratique de leur performance. C'est selon moi très important de donner la voix aux artistes pour qu'ils explicitent leur compréhension théorie-praxis parce qu'en fait ils ne sont pas extérieurs à leur objet, c'est pas un point de vue historien ou historiographique, mais c'est vraiment à travers leur chair qu'ils expérimentent la discipline. Donc c'est des points de vue très incarnés que sont souvent dévalués par certaines approches universitaires. Donc, je considère que c'est très important de remettre ça de l'avant, à tout moins dans un centre d'artistes qui honore les praticiens et praticiennes. Et d'autant plus la petite chaîne ou la petite bretzel qui donne l'empreinte graphique de nos affiches. C'est un peu comme je le disais en début d'entrevue, une tentative de contribution, de lien, de chaîne, comme un peu un chaînon manquant qui aurait été perdu pendant l'instant de la pandémie et que j'essaie de ramener de l'avant à travers cette contribution organisationnelle. Très cool. Je vais y aller avec des infos logistiques un peu pour la communauté de Québec qui souhaite se présenter, parce qu'il faut le dire, là, il faut venir au lieu. C'est les trois prochaines soirées auront lieu le jeudi 12 septembre, vendredi 13 septembre et samedi le 14 septembre à 19h pour la majorité. Sauf le samedi, ça commence à 13h. Marilyn Arcem, j'imagine, va faire une perf de longue durée qui commence en après-midi le samedi. Exact, c'est environ 4 à 5, à 6 heures. De performance. Oui. Wow. Et puis dimanche, le 15 septembre, conférence, lecture, brunch, c'est animé par Virginie Fauve, donc c'est aussi une façon pour toi de faire venir une voix d'auteur et donc d'alimenter cette question théorique-là, là, de la création de la réflexion in praxis. Exact. Puis c'est aussi une artiste performeuse. Elle s'est commis devant un public tout récemment au dernier Legs qu'il y avait à Montréal. Donc c'est pas, elle n'est pas extérieure à la pratique encore une fois, mais elle a vraiment un point de vue plus de poétesse, hein, ce qui, je pense, ça va tordre un peu plus la discussion. Puis je pense que ça va être juste encore plus enrichissant. Donc, pour assister aux performances, Steven, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à un public qui est insécure ou qui ne sait pas, en fait, comment aborder la discipline? On se présente au lieu vers 19h, ça commence peut-être à l'heure, peut-être pas. On se plante dans une salle toute illuminée, puis on est participant, qu'on le veuille ou non, à ce qui va se passer. Immanquablement, ouais. En fait, c'est une célébration commune. C'est rare qu'on vit ça, être devant un corps qui risque de faire sens par l'action. Puis nous, on reçoit ça en tant que spectateur, tout en même temps même que l'artiste-performeur qui se commet, puisque c'est souvent carte blanche puis non répété, ce qui fait en sorte qu'on respire au même rythme que l'artiste qui performe devant. On reçoit ça communément. Ça se peut que notre voisin ou notre voisine ait des émotions particulières en réponse à cette performance-là, et on est tous ensemble à vivre cet événement. Tu sais, qui est une exploration de l'existence. Là, c'est très... on puise dans le quotidien, dans les actions du vivant pour rendre compte de leur performance. Alors, l'invitation est étendue à tous. C'est gratuit. Puis, le dimanche, ça se passe comment? On arrive, puis on peut manger un bout, on s'assoit, on écoute la conférence? Ouais. Toutes les activités sont gratuites. Le dimanche aussi, c'est on a quelques... En fait, je pensais des crêpes qu'on prévoit, mais somme toute, il y a un petit déjeuner pour casser la croûte. Puis on écoute les points de vue de 4 artistes. Et par la suite, j'ai bon espoir que ça puisse faire boule de neige et qu'on discute tous ensemble pour justement partager davantage sur nos points de vue sur leur performance, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'artistes aussi, ainsi que des sympathisants de leur performance de longue date, là, qui vont se présenter. Gros party aussi, j'imagine, hein, en perspective. Ouais, ben on travaille avec l'humain, puis c'est le côté merveilleux de la chose. C'est immanquablement, les humains vont être là pour lier de nouvelles amitiés, peut-être. Bon, alors, c'est sûr que moi j'y serai. Je sais que toi tu y seras immanquablement, puisque tu vas tenir l'affaire avec l'équipe du lieu. Merci d'être venu à la radio, et puis on se voit bientôt. Bonne présentation demain à Montréal. Oui, et merci de l'invitation, puis on se revoit le 12. Bye Steven. Nous, on fait une courte pause musicale, et puis au retour de la pause, on s'entretient avec Madeleine Maillot au sujet de son expo Vex Viscéral. Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, avec Mathilde Harvey-Morin à la console, sur les ondes de CKRL. C'est la première émission de l'aérospatiale de la saison, alors on est en effervescence de la rentrée culturelle, et j'ai eu la chance de voir l'expo de Madeleine Maillot, qui est en montre au centre Mataria, et qui a été vernie vendredi dernier, et j'ai été conquise. J'avais eu la chance de rencontrer Madeleine alors qu'elle était en résidence à la Maison des métiers d'art le printemps dernier, et elle a accepté de faire une courte entrevue avec nous. Alors, elle est avec nous par visioconférence. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir, Christelle. Ah, je suis tellement contente. Je ne sais pas trop de où tu nous parles, mais c'est magnifique en arrière de toi. Je suis je mange un burger en bas du Mont-Saint-Hilaire. C'est merveilleux, la visio. Nous, on est dans Limoilou, à Québec. Et puis, j'ai la tête pleine des souvenirs de ton expo. Alors, j'ai juste envie que tu plonges et que tu nous expliques, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à créer Vex Viscéral. Quelles en sont les inspirations? Si tu veux nous parler de ta pratique d'abord, je comprends, mais on va plonger dans tout ça. Alors, au début, je m'intéressais vraiment à l'idée que je pourrait créer ou inventer des armes ou des outils qui pourraient aider les êtres humains dans les relations qui sont quand même complexes, pleines de contradictions. Alors, je voulais comme transformer des outils comme des armes de guerre, des outils de sport, des jouets de sexe pour leur rendre plus compliqué. On ne sait pas exactement comment on utilisera les outils que j'ai inventés, mais c'est ça le but d'évoquer ou suggérer plein d'utilisations ou dynamiques en relation personnelle. Et c'est ça. Parmi les éléments là, qui nous habitent quand on fait le tour de l'exposition, d'abord, il y a la couleur. Ton utilisation de la couleur est très jouissive. Alors, il y a des roses, de la brillance, de perlescent, ça illumine. Et il y a aussi l'échelle des objets que tu proposes. Il y a quelque chose comme de la démesure, en fait. Et j'aimerais que tu me parles de ces deux aspects-là de ton travail dans... Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Est-ce que ça a toujours été là, les jeux d'échelle avec les objets et puis le travail de la couleur? Oui, en effet. J'adore la couleur. Je pense que la couleur, c'est une provocation. C'est vraiment la joie de vivre. C'est exprimé dans la couleur. Et la couleur est intéressante pour moi parce que dans notre culture, je vais dire que la couleur signifie plusieurs choses. La couleur vif signifie souvent l'enfance ou la costume des femmes, la costume des clowns. Alors, c'est vraiment comme ça évoque un sens de célébration, d'enfance, de joie, de jouer, de quelque chose de ludique. Et selon moi, ce n'est pas tout à fait. Moi, je pense que la couleur est beaucoup plus large, plus compliquée que ça. Alors, je l'utilise pour cet effet de célébration, mais aussi de cet effet de juste puissance évocateur, émotionnel. Je crois que la couleur est quand même sophistiquée, mature, intéressante, dynamique, complexe. Alors, je veux vraiment l'utiliser dans ce sens-là aussi. Elle est très matérielle, en fait. Elle nous stimule, ouais. Elle stimule le regardeur. Elle nous amène aussi à s'approcher par le désir de pouvoir constater de plus près le lustre ou même le petit scintillement que tu proposes dans plusieurs objets. Donc, je l'ai trouvé très matériel et je me demandais si c'était un peu, ça parlait un peu de ton parcours. J'ai cru comprendre que tu avais commencé d'abord en peinture et que tu t'es retrouvé avec les objets puis une posture de sculpture un peu plus loin dans ton parcours. Est-ce que je me trompe? Alors, oui, je fais de la peinture longtemps. Ça fait longtemps que je continue de faire de la peinture. Alors, la sculpture, c'est une extension, une addition à cette pratique-là. Alors, mon intérêt dans la couleur et en forme, pour moi, c'est la peinture est plus large. Sculpture-peinture, il y a une relation très proche pour moi. Ah, fait que ça joue ensemble. Ces disciplines-là, en fait, font partie du même univers. Absolument. Je m'inspire beaucoup de mes toiles et ma peinture continue d'inspirer de mes sculptures aussi. Je fais le aller-retour ou le back and forth. J'ai beaucoup aimé dans l'expo l'utilisation que tu as fait de l'espace de la galerie Materia. C'est une galerie qui propose plusieurs défis. Il y a des colonnes, il y a un plancher qui est un peu divertissant, là, il attire l'attention. Et tu as utilisé des stratagèmes, tu as même joué avec ces challenges-là, avec les colonnes, tu as caché certaines de tes sculptures derrière, tu as recouvert une partie du plancher avec un immense coussin. Donc, toi, est-ce que Est-ce que c'est quelque chose que tu fais d'habitude, ce jeu-là avec les espaces de galerie entre l'espace et ton travail? Mais oui, surtout en faisant une installation, il est nécessaire de vraiment travailler avec l'espace. Et c'est les œuvres que j'ai faites, ces outils inventés, se ressemblent aussi à des accessoires théâtrales. Alors, c'est vraiment une belle opportunité d'aller dans ce sens-là, de jouer avec la galerie comme espace théâtral pour l'imagination, pour donner les objets vraiment une plateforme pour nous imaginer comment on pourrait utiliser ces objets dans l'espace même, sur le matelas, sur le coussin géant que tu as mentionné, quand on fait le tour, c'est en découvrant les petites choses derrière la colonne ou dans la vitrine, ça nous prend du temps et c'est comme on est un peu dans le fantaisie. Et quand on prend le temps, ça nous donne un peu plus la chance de rentrer dans le fantasme, je pense, selon moi. Ben, tes stratégies fonctionnent en tout cas à 100% avec moi, qui est un public assez ouvert à ce genre de jeu-là, mais j'ai vu que ça fonctionnait avec bien d'autres personnes pendant que la fin de semaine, j'ai repassé souvent devant la galerie et puis les gens sont interpellés, on voit les sourires coquins ou espiègles se déployer sur les visages, donc vraiment c'est un succès, Maddy. Ça a été un plaisir de croiser ta pratique pendant ton séjour en résidence et d'autant plus de voir le résultat montré. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup, Christelle. J'apprécie beaucoup tes commentaires et tes questions, vraiment beaucoup. Bon, je te remercie. Nous, on s'en va en petite pause musicale juste avant notre dernière invitée. Au revoir, Maddy. On se retrouve, j'imagine, au détour de la vie culturelle. Et nous, on se retrouve au retour de la pause. Bienvenue, vous êtes de retour à l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique de Québec. Je suis en studio avec Mathilde Harvey-Morin et aussi en visioconférence avec Rémi Béliveau. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Merci de te joindre à nous. Ça fait plaisir. Alors, j'ai invité Rémi parce que j'ai remarqué en feuilletant la programmation du Festival de cinéma de la Ville de Québec que ton film L'an premier... Live au Beau Bassin, 1970 mm-hmm. entre parenthèses, était mm-hmm. présenté gratuit, c'est ça? Oui. Au parc Dioui. Mm-hmm. Vendredi 13 septembre, c'est 19h, je pense. Ça me sonne tout exact. All right. Est-ce que tu veux nous parler de ce projet-là? Oui, absolument. D'abord, je dirais que... Moi, je viens du milieu des arts visuels à la base. Je me considère vraiment pas cinéaste, mais le cinéma m'intéresse comme genre de médium qui produit des documents puis qui devient un peu comme de la documentation. Dans les dernières années, moi, je me suis beaucoup intéressé à la musique rock acadienne. Je suis d'origine acadienne, je viens du sud-est du Nouveau-Brunswick. Puis, essentiellement, ce que j'ai remarqué, c'est que la musique acadienne, elle était sous-documentée, mais il y avait quand même des choses qui s'étaient passées. Ça fait que, d'une part, ce corpus-là qui date quand même, là, ça commence à faire longtemps, ça fait 6 ans que je travaille là-dessus. À travers ce corpus-là, j'essaie de démocratiser, d'une part, la musique acadienne oubliée, mais j'essaie aussi de remplir les vides quand j'en trouve. Par exemple, le premier volet de ce projet-là, j'ai inventé un personnage qui jouait un peu la fonction de comme un Bob Dylan, protest singer, chansonnier politisé, peut-être comme à la Robert Charlebois, Louise Forestier au Québec. Chez nous, on n'a pas eu ça. Ça fait que j'ai inventé ce personnage-là, j'y ai donné comme une histoire, puis je l'ai performé dans le temps. Puis la suite de ce personnage. Puis t'as printé des vinyles, puis t'es exposé dans les galeries, puis il y a tout un travail qui s'est retrouvé mm-hmm. dans les centres de diffusion. Et là, le volet qu'on voit est diffusé, mais dans un autre univers, un nouveau médium avec le cinéma. Ben, tu sais, à la base, ce projet-là, il existe en galerie. Comme là, tout de suite, je suis à Alma, puis je fais le montage pour Langage Plus. Le vernissage est jeudi. Je peux faire cette plug-là aussi, même si que les gens de Québec vont peut-être pas se déplacer si loin que ça. C'est imaginé à la base comme un film qui est projeté en salle de galerie, mais vu que j'emprunte vraiment les codes du cinéma, tu sais, à la surface, c'est un documentaire, ça fait que ça peut jouer dans des festivals, puis moi, je l'ai découvert en le présentant au FICFA à Moncton. Les diffuseurs étaient comme, ben voyons, faut que ça joue dans des festivals, cette affaire-là. Ça fait que voilà, c'est le deuxième chapitre de cette recherche-là que je présente. Alors, c'est un faux vrai documentaire sur un band qui existe, mais qui n'a pas existé, dont tu es la chanteuse principale? Exact. Le band n'existe pas. Il existe dans la mesure où il y a un film qui s'appelle L'an premier live à Beaubassin qui témoigne de sa réalité, mais c'est tout imaginé. Puis les chansons qu'on joue dedans, c'est pour la plupart des reprises de chansons acadiennes par des artistes comme Zachary Richard, 1755, Beau Soleil Broussard, qui sont parus comme 10 ans plus tard. Comme le film, il est en 1970. À la fin des années 1970, la musique acadienne se politisait, mais comme tardivement comparé à d'autres communautés, on va dire. Ça fait que j'ai voulu prendre ces chansons-là qui avaient déjà comme des structures puis des motifs de prog rock, puis les mettre vraiment dedans le contexte de ce genre de musique-là qui, à l'échelle mondiale, a vraiment transformé la musique. Puis encore une fois, au Québec, il y a eu Harmonium, il y a eu Slush, il y a eu Pollen. Fait que chez nous, il n'y a pas eu de groupe prog rock. Fait que maintenant, il y en a un. Il s'appelle L'An premier. Moi, j'adore cette liberté-là de créer l'histoire dont on a besoin, qui est nécessaire pour pouvoir vivre aujourd'hui, en fait. Et je te remercie pour ce travail phénoménal. J'espère que tu auras réussi à piquer la curiosité de certaines personnes qui vont aller voir ton film ce vendredi à l'espace Dit Oui, au parc Dit Oui, puis qui vont peut-être même avoir la curiosité d'aller voir ton travail sur ton site puis sur les différents lieux d'exposition que tu visites. Oui. Merci Rémi. C'était court, mais je pense que c'était utile. Ouais, merci à vous. Bye Rémi, à bientôt. Bye. Alors, on termine cet épisode de l'aérospatiale sur cette belle rencontre avec Rémi Béliveau. Et puis, pour l'agenda de la semaine, eh bien, il n'y en a pas d'agenda de la semaine cette semaine. Toutes les expositions en montre dans les centres d'artistes ont été vernies à peine la semaine dernière. Donc, c'est le temps d'aller faire le tour de toute Méduse, de tous les centres comme la Charpente, Marginale qui est en montre. Et puis, le Festival de cinéma de la Ville de Québec commence. Donc, il y a toute une programmation qui a lieu au Cinéma Beaumont, mais sinon dans plein de lieux alternatifs et il y a plein de projections gratuites. Alors, je vous invite à plonger dans la rentrée culturelle et à découvrir parmi les propositions ce qui vous intéresse et qui va vous ouvrir l'esprit sur des nouvelles choses. C'est ainsi que se termine cette édition, cette première émission de l'aérospatiale. Je remercie nos invités, Rémi Béliveau, Madeleine Maillot, Steven Girard, notre nouvelle chroniqueuse, Phil Després. Je te remercie, toi, Mathilde Harvey-Morin, pour ton travail à la console. Et pour la co-animation, je remercie Simon Roy et toute l'équipe de CKRL de nous permettre d'occuper les ondes encore une fois cette année. Et l'émission sera disponible en balado-diffusion très prochainement. Et vous pourrez trouver le lien sur nos réseaux sociaux. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine!